c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est la marche des sciences. Vous allez me suivre, maintenant vous aurez des jets d'hydrothérapie. On appelle ça en abrégé un BOC chez nous. Hein. Alors, je vais mettre en marche le jet. Vous allez vous placer les pieds sur l'avant de la grille. Allez-y, vous reculez. Le doux jet, s'il vous plaît. Voilà, comme ceci. Et puis, je mets en marche. Les eaux, les jets, la boue, le thermalisme signifie pour certains une cure de bien-être et de remise en forme, et pour d'autres une nécessaire prescription médicale pour soulager des maux dont ils souffrent. Ils gardent aussi, il faut bien l'avouer, l'image d'une pratique réservée soit aux nantis, soit aux personnes âgées. Aujourd'hui, la France compte de nombreux systèmes hydrominéraux et plus d'un demi-million de curistes fréquentent chaque année les stations thermales du pays. Alors, au regard de l'histoire, quelle fut la place du thermalisme dans le monde médical et dans la société ? Riche d'une histoire pluridisciplinaire qui remonte à l'Antiquité et pétrie d'humanité et de sociabilité, la balnéation thérapeutique n'a cessé de se développer au fil des siècles, mêlant géologie, médecine, histoire, géographie, urbanisme et suscitant au passage quelques débats sur son efficacité réelle. Alors on y croise Pline l'Ancien, Hippocrate, Montaigne, Catherine de Médicis, la marquise de Sévigné, Henri IV ou encore la dame aux camélias et surtout Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors de l'apanage des nantis au thermalisme social, quelle est l'histoire de cette pratique ancestrale ? Quels sont les bienfaits identifiés de ces eaux qui n'ont pas vocation à guérir mais à soulager ? Le thermalisme est-il une médecine d'avenir ? Réponse aujourd'hui, en direct sur France Culture avec Thierry Lefebvre, maître de conférence à l'Université Paris Diderot et directeur de la revue d'histoire de la pharmacie, et Cécile Rénal, docteur en pharmacie, tous les deux auteurs du livre « Du thermalisme à la médecine thermale » paru aux éditions Le Square. Et comme d'habitude, cette première partie d'émission sera émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales, mais également d'archives du réseau Canopée grâce à Laurent Garou. Et en seconde partie d'émission, en partenariat avec le magazine Science et Vie, nous plongerons dans le dernier hors-série de Science et Vie intitulé « Les nouvelles lois de la famille ». Un siècle d'histoire d'évolution de la famille, sur fond d'avancées scientifiques majeures, de la Première Guerre mondiale au débat sur la GPA, nous découvrirons de quelle façon la science a joué un rôle crucial dans cette transformation, avec la rédactrice en chef des hors-séries, Cécile Bonneau. Mais tout de suite, aux sources du thermalisme et de la médecine thermale. Passé les 40 ans, je me suis dit qu'il était temps que je recharge mes batteries, que je me remette à neuf. Et ça fait maintenant 9 ans que je viens ici à Évian pour recharger mes batteries. Faisant une moyenne de 65 heures de travail par semaine, je pense que c'est une chose qui est raisonnable. Parce que dans la vie active actuelle, on n'a pas le temps, on ne se détend pas totalement. Or ici, il y a une question de climatologie qui fait qu'on se met totalement au repos. On se sent mieux dans sa peau, je crois. Je suis une adepte des cures, bien que je ne puisse pas en faire très souvent, car c'est la seule période de l'année où je puis me reposer. Donc j'y trouve le calme, la relaxation, des soins qui sont toujours de qualité. De toute façon, je retrouve un équilibre, une meilleure santé, un meilleur tonus. C'est même pour moi, quelles que soient les cures, un traitement antidépressif. Bonjour Cécile Rénal. Bonjour. Bonjour Thierry Lefebvre. Bonjour. On vient d'entendre un extrait justement d'une archive trouvée dans les fonds de l'INA. C'était l'extrait d'un interactu du 30 juin 1982, spécial justement sur les cures thermales et avec ses témoignages de l'époque, donc 1982. En tout cas, le thermalisme véhicule des images, des préjugés, on va en parler. Mais c'est surtout une riche histoire pluridisciplinaire pétrie d'humanité, comme je le disais en début d'émission. Oui, c'est une riche histoire parce qu'elle remonte à des temps immémoriaux, tellement immémoriaux qu'on ne se souvient plus des pratiques d'origine. Pour raconter brièvement les premiers pas du thermalisme, bon, c'est en Grèce, c'est à Rome, on a tous un peu ces notions-là, mais on n'a pas des notions très précises de ce que c'était en pratique. Mmh. Par exemple, à Rome, on va dire au début de notre époque, à Rome, il y avait deux façons de pratiquer le thermalisme. Il y avait la façon qui est la plus popularisé dans l'iconographie, c'est-à-dire les fameux thermes romains qui étaient fréquentés par les riches romains de l'époque et qui utilisaient finalement des eaux assez communes qui provenaient de sources banales, de rivières, etc., qui étaient amenées par les fameux aqueducs dont on a des vestiges ici et là, et en particulier autour de Paris, pour l'époque gallo-romaine. Donc c'était une eau qui n'avait pas de propriété à proprement parler thérapeutique. Et à côté, il y avait un phénomène qui est difficile à définir très précisément. On a essayé de faire notre mieux dans le livre, mais qui est ce phénomène des fontaines dites sacrées, qui se trouvaient donc dans des bois dans lesquels vivaient, soi-disant, hein, ça n'a jamais été vérifié, mais des divinités des petites et grandes divinités. Et l'eau qui émanait de ces lieux était considérée comme un signe de la présence de ces divinités. Et donc, il y a eu très rapidement un attachement des populations locales et puis de populations qui se déplaçaient pour aller dans ces sanctuaires, il faut bien les appeler comme tels, et qui utilisaient cette eau, enfin une partie de cette eau, parce que l'eau était toujours respectée, celle qui émergeait de la source à proprement parler, mais ce qui dégoulinait en quelque sorte et qui allait dans des mares ou des vasques qui étaient mises à disposition et pouvait être utilisé dans un usage profane qui était pré-médical. Oui, mais c'est justement la question que je voulais poser, Cécile Rénal. Le thermalisme, donc, aux origines, est-ce qu'il a d'emblée une dimension médicale? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs par rapport au reste peut-être qu'on peut utiliser pour retracer l'histoire? Alors c'est difficile de dire si véritablement il a une dimension médicale. Ce qui est certain, c'est que ce sont des eaux qui sont étranges. C'est-à-dire qu'elles sont différentes des eaux qui sont captées en effet pour aller dans les villes. Voilà. Ce sont des eaux qui ont une couleur bien souvent. Elles sont ferrugineuses, donc elles sortent rouges. C'est quand même étrange d'avoir une eau qui coule rouge. Ce sont des eaux qui font des bulles, qui pétillent parce qu'il y a du gaz carbonique dedans. Ce sont des eaux qui ont une odeur aussi, bien souvent il y a du soufre. Donc toutes ces caractéristiques assez curieuses, inhabituelles des eaux qu'on voit, des eaux courantes, parce qu'il faut quand même rappeler que les eaux minérales et les eaux thermales, la définition, c'est une eau naturelle qui vient du sous-sol et voilà, qui émerge comme ça et qui a des caractères physico-chimiques et des éléments minéraux qui sont en quantité toujours les mêmes, hein. Donc c'est stable. Donc ça fait partie de la définition de l'eau minérale. Et donc ces eaux sont étranges au point de vue de la population, des gens qui ne savent pas, et bien sûr ceux qui ont la culture à l'époque n'en savent pas plus, mais en tout cas eux, ils veillent dessus et ils sont là pour les distribuer de façon cohérente. Et bien souvent, les gens ont peur, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est vrai que ce qui est regardé souvent aussi, c'est comment les animaux réagissent. C'est-à-dire que certains animaux vont s'y baigner, s'en trouvent bien, et à ce moment-là, on les utilise. En revanche, quand vous avez des eaux qui dégagent beaucoup trop de gaz carbonique et qui sont nocives, les animaux meurent, les petits animaux, parce que le gaz stagne à basse hauteur. Et les animaux meurent, donc les gens n'y vont pas. Donc il y a des repères comme ça qui sont utilisés. En tout cas, l'Antiquité romaine pose les bases, hein, de principes, hein, eau, boue, je ne sais pas, mais eau et boue, en tout cas, oui. Mais peut-être pas encore aussi sophistiqué. Oui, et pour revenir à la question précédente, disons qu'il y a quand même une méfiance des médecins, des premiers médecins, et qui est très sensible dans ce qu'on appelle le corpus hippocratique, c'est-à-dire tous ces textes qui sont soi-disant issus de la plume d'Hippocrate, ou plutôt d'élèves, et puis parfois d'élèves très très lointains qui l'ont pas connu. Et quand on lit les références aux eaux, finalement, on est très méfiant par rapport aux eaux minérales, à proprement parler, ou thermominérales, donc celles qui vont être utilisées ultérieurement dans la médecine thermale à proprement parler. On est plus complaisant vis-à-vis des eaux banales, des thermes urbains, hein, celles dont j'ai parlé, et qui n'ont pas de vertu particulière et qui servent à délasser le corps, voilà, et puis à, qui engendrent de la sociabilité également. Bon, on va pas se... Donc ces autres eaux qu'on appelle les eaux de source, c'est ça? C'est la différence entre les eaux de source et les eaux minérales ou pas? Oui, non, c'est des eaux qui sont considérées comme saines et qu'on va aller chercher dans un cours d'eau lointain dont les eaux sont transparentes, et on les amène et on les réchauffe par des moyens qui sont variables selon les époques. Il y a l'hypocauste en particulier, qui est un système de chauffe à la fois des eaux et des espaces dans lesquels sont les baigneurs. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Cécile Rénal. Oui, la différence majeure, c'est justement que les eaux minérales, les eaux thermales, elles sortent de terre. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas du ruisseau, elles sont vraiment captées ou elles émergent naturellement. Donc elles sont souvent chaudes. C'est vraiment la différence. Oui, elles sont chaudes ou alors pas toujours, peuvent être... Mais vraiment, elles la différence, colorées. C'est qu'elles ne viennent pas d'une rivière, à la différence de ce qui peut être aménagé justement pour... Elles sont colorées, elles ont une saveur étrange, elles ont des odeurs, le soufre, des choses comme ça, et donc ce sont des phénomènes naturels assez exceptionnels, qui sont pas communs, qu'on trouve pas dans les villes en particulier, et c'est cela qui attire une certaine population dans ce qu'on appelle les bois sacrés, qui sont les premiers sanctuaires de cette époque. Donc on peut dire que ce monde, en tout cas grec et romain, pose les bases d'un usage rationnel des eaux. Et à ce sujet, bien, par rapport à ces eaux fameuses, justement, écoutons un document d'archives, alors archives confiées par le réseau Canopée, et il s'agit d'une émission de la radio scolaire datée du 14 février 1964, émission produite par le Centre régional de documentation pédagogique de Clermont-Ferrand. Et vous allez entendre la voix du professeur Robert Cuvelier, alors doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, interviewé par Jean Coade, directeur du Centre régional de documentation pédagogique. L'eau thermale est une eau naturelle dont soit les propriétés physiques comme la température, soit la composition des sels en dissolution, sont très différentes de celles des eaux de sources ordinaires. Ces propriétés singulières font qu'un certain nombre d'entre elles ont une action bienfaisante dans le traitement des malades. Ce sont des eaux curatives, ce sont des eaux qui guérissent. Pourquoi des malades viennent-ils aux sources mêmes chercher l'eau qui leur est utile, plutôt au fond que de la faire venir chez eux? Pour répondre à votre question très pertinente, prenons un verre transparent et allons à la source le remplir d'eau. Observons ce qui se passe. Au bout de quelques dizaines de minutes, l'eau s'est troublée. Et si nous attendons encore, nous voyons que ce trouble léger est dû à un fin précipité que nous retrouvons au fond du verre. Cette altération fait simultanément perdre à l'eau thermale toute ou partie de ses propriétés thérapeutiques. C'est la raison pour laquelle elle doit être utilisée sur place. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Eh oui, donc utiliser ces eaux remarquables sur place, hein, effectivement, ce n'est pas bénin. Et puis on se pose d'emblée la question, mais à quel moment est-ce qu'on a un petit peu identifié aussi les maladies qu'on pouvait soigner selon telle ou telle eau spécifique? Alors, Thierry Lefebvre. Il y a, en fait, le problème, et ça, le problème va durer longtemps avec le thermalisme, c'est que les médecins vont se succéder et accumuler comme ça des indications pour ce type de traitement. Alors, on peut dire brièvement que les blessés, en particulier, il y a de nombreuses guerres à cette époque-là, sont touchés. Comment appelle-t-on déjà ces eaux À Aubonne, il y avait les eaux d'arquebusade, puisque les gens étaient blessés, les soldats étaient blessés par les arquebuses, les arcs en quelque sorte, les archers, voilà, les flèches qui blessaient beaucoup. Et donc les os étaient à la fois cicatrisantes, elles avaient des vertus probablement de détertion, de nettoyage aussi des plaies. Et donc elles étaient utilisées à ces fins-là. Voilà. Alors il y a ça, il y a les chutes de cheval, par exemple, qui sont assez courantes à cette époque-là, et on considère effectivement que la balnéothérapie... Alors, on parle quand même d'une époque beaucoup plus oui, récente. Oui, après, parce qu'on pourrait penser que le Moyen-Âge a pu, au contraire, marquer un coup de frein. Pas du tout, finalement. Le Moyen-Âge perpétue, en partie, les bains, oui, mais sans intensifier la pratique. Là, non. On est au XVIe siècle. Et là, on est carrément au XVIe siècle. On a fait un bond dans le temps. Alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est le Moyen-Âge, il y a souvent eu la croyance qu'il n'y avait plus de bains à cette époque-là. En fait, il y a une désagrégation des termes romains au fur et à mesure du temps, qui ne sont plus entretenus pour des questions de moyens, tout simplement, où les matériaux sont réutilisés. Mais les bains continuent, mais de façon beaucoup plus intime, on va dire, dans des lieux qui sont ce qu'on appelle les maisons des étuves, qui sont des endroits où on peut avoir des bains chauds et qui utilisent généralement des eaux, là aussi, qui n'ont pas de qualité minérale spécifiques, qui sont des eaux saines, considérées comme saines. Et alors, parce qu'on est aussi, il faut le dire, Thierry Lefebvre, dans un souci de sociabilité dans cette pratique pendant longtemps. Oui, oui. Alors ça, c'est très marqué pour l'époque romaine en particulier. Oui. On va au terme, on va prendre les bains également et parfois surtout pour rencontrer toutes les personnes qu'il faut rencontrer à Rome, par exemple, ou à Pompéi ou ailleurs, ou à Lutèce. C'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer l'aspect thérapeutique, qui est finalement relativement peu présent, en tout cas dans ces termes urbains, des aspects de bien-être, le fait de se baigner, d'hygiène aussi, qui est non négligeable, et les aspects évidemment d'échange, de sociabilité. Il y a même des bibliothèques dans les termes, dans les vestiges que l'on peut visiter ici et là. On voit les emplacements où était la documentation qui permettait d'apprendre des choses. C'était des sortes de médiathèques avant l'heure, en quelque sorte. Mais cette sociabilité va perdurer quand même, parce que vous disiez oui, c'est plus l'époque romaine. En même temps, on voit bien que avec donc la période ou 16e ou 17e, et puis on est dans, il y a un intérêt des élites françaises et des têtes couronnées visiblement par rapport à ce développement des termes et du thermalisme, et on y a intérêt parce que tourisme thermal, diplomatie thermale, sociabilité, échange, tout se fait là. Bien sûr, il y a beaucoup de migrations comme ça, saisonnières, en particulier de la noblesse, dans ces termes, la première configuration des termes tels qu'on les connaît maintenant. On s'y retrouve, on y amène également toutes les personnes qui servent à faire fonctionner ces petites cours qui se rencontrent les unes les autres. Ce sont effectivement des lieux où s'exerce intensément la diplomatie. On y discute à l'abri, comme ça, des oreilles indiscrètes du palais royal ou d'autres lieux qui étaient espionnés de tout coin. Et il s'y passe vraiment beaucoup de choses. Et on le verra en particulier sous Napoléon III avec rencontre avec Cavour. On va en reparler. Cécile Rénal. Cette sociabilité, justement, va déclencher des phénomènes de mode aussi qui sont très importants au niveau du thermalisme. Parce que, justement, les gens sont entre eux, mais toute la cour, par exemple, amène toute l'aristocratie qui suit. Et donc, le phénomène de mode revient en permanence. Voilà. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont les exclus de la cour qui sont envoyés un petit peu à l'écart et qu'on envoie assez régulièrement dans les stations thermales. Et ils vont passer le temps là jusqu'au moment où ils reviendront acceptés par tel ou tel roi ou telle ou telle reine. On découvre de nouvelles fonctions, en tout cas de ces termes avec vous, Thierry Lefebvre et Cécile Rénal. Je vous propose d'écouter une autre archive sonore de l'INA. Elle a été diffusée dans les actualités de Paris le 9 juin 1957 sur la chaîne parisienne, la radio-télévision française. Et là, vous allez voir, on plonge dans le bain publicitaire des années 50. Étape sur la route des pays du Nord vers la Côte d'Azur et l'Italie, à environ une trentaine de kilomètres de Marseille, Aix-en-Provence doit sa fondation à ses sources d'eau chaude. La source, par exemple, qui alimente l'établissement thermal actuel, fut adorée par les Gaulois. Les Romains y construisirent leurs thermes et le Moyen-Âge ses étuves. Cet établissement, construit sur les anciens thermes romains que Caius Sextius fonda en 123 avant Jésus-Christ, est ouvert toute l'année. Il est situé à la périphérie de la ville et adossé à un très joli parc qui contient des restes de fortifications et une très jolie tour du XVe siècle. La station thermale d'Aix-en-Provence est ouverte toute l'année, je le répète. On y traite les troubles de la circulation veineuse et les insuffisances hépato-rénales. La cure thermale est, on le sait, un complexe et l'ambiance, le climat et les distractions aident puissamment à l'action thérapeutique. Le curiste, comme d'ailleurs le touriste, trouve à Aix-en-Provence le calme et le repos. Donne envie, hein. Très bucolique, très. Enfin, on sent aussi que c'est un monde un petit peu de. Enfin, ceux qui peuvent de personnes aisées ou de nantis, comme on disait à l'époque. C'est vrai que ça ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, à toutes les époques. On va en reparler. En tout cas, ce document est assez formidable, je trouve. Hein. Je rappelle la date 1957. Et il faut rappeler que justement, la naissance de l'expression ville d'eau remonte à un siècle auparavant, 1850. Alors ça, c'est intéressant parce que on arrive dans ces moments du 19e siècle où il y a le soutien de Napoléon III, hein, qui souffrait de rhumatisme, et on peut... Oui, et puis d'autres choses peut-être... Maladie de la pierre également, qui va le tuer. Oui, et puis donc c'est aussi tout cet intérêt. Alors le développement des villes, là on en a un cas très précis. C'est ce que vous racontez dans votre livre, Cécile Rénal et Thierry Lefebvre. C'est aussi que ce thermalisme-là provoque un développement de villes, et puis avec le soutien d'élites et de têtes couronnées qui participent à toute cette grande époque du thermalisme. Oui, justement du fait de ces migrations. C'est à l'époque, très clairement, il n'existe pas la sécurité sociale ni aucun système qui permette d'accompagner les, on va dire, les pauvres ou les peu aisés, qu'est-ce que je dis là, peu aisés, excusez-moi, on est sur France Culture quand même. Vous êtes rattrapé, c'est bien. Oui, parce que tout le monde ne se rattrape pas. Non. Et donc, on ne dispose pas donc de ces moyens d'aider en quelque sorte une partie de la population, et donc ce sont des riches, hein, très clairement, des nobles, mais également la bourgeoisie émergente, bourgeoisie d'affaires, etc. Donc tous ces gens-là se rendent dans les stations thermales, ils trouvent effectivement plein d'attraits, mais toujours insuffisamment. Il faut les loger de mieux en mieux, donc ça va susciter la création d'hôtels de plus en plus somptueux, spacieux. On peut dire une hôtellerie de luxe, hein, vraiment. De palaces même. Ouais, bon, oui. Ça va s'accentuer dans les décennies suivantes. Il leur faut ce qui les distrait à cette époque. Donc il n'y a pas d'ordinateur, c'est plutôt Les lieux de jeux de hasard les aussi. Les jeux de hasard, ouais. Les casinos, etc. etc. Et donc, construit en quelque sorte ex nihilo à partir de petits hameaux à l'origine dans lesquels émergeait comme ça une source qui avait des vertus qui étaient de plus en plus considérées comme thérapeutiques. Oui, là on rentre vraiment de plein pied dans la médecine thermale, et donc autour de ces hameaux de construire de véritables petites villes qui sont un décor qui joue beaucoup évidemment dans la cure. Et oui, le thermalisme va aussi jouer sur le déploiement du réseau des chemins de fer en France. C'était tout à fait ce que je voulais dire. On se retrouve. Vous avez exactement suivi ma pensée. C'est en effet, les infrastructures vont se développer énormément, considérablement, ce qui va permettre de former un véritable maillage de toute la France, de tout le réseau ferré de France. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour, mais c'est très progressif et c'est une volonté impériale de Napoléon III, qui est très aidé par des financiers qui n'attendent que ça. Évidemment, et ça se développe, c'est incroyable et c'est fabuleux. On a encore des vestiges actuellement en termes de patrimoine architectural, notamment il y a certaines gares. Alors quand on visite les stations thermales, il faut surtout visiter les théâtres, évidemment les établissements thermaux, les théâtres et les casinos, mais aussi aller visiter les gares, parce que bien souvent elles datent de cette époque et elles sont fabuleuses, parce que non seulement on emmène les chemins de fer dans toutes les régions de France, mais on les emmène dans des endroits endroits et on fait en sorte que les personnes soient accueillies dans des endroits prestigieux, élégants, agréables. Donc tout est magnifié à cette époque-là. Et le réseau routier également se développe. On a vu récemment le pont qui passe à Saint-Sauveur, donc le Saint-Sauveur, qui a été construit dans les Hautes-Pyrénées, à l'initiative donc de Napoléon III. C'est monumental pour juste une petite bifurcation qui passe sur le Gave, je ne sais plus quel Gave d'ailleurs. Le Gavarnie. Et en tout cas, voilà, ce soutien des élites françaises des têtes couronnées, eh bien, joue aussi en faveur de tout ce réseau, ce maillage routier ou le réseau de chemin de fer en France. Alors en même temps, va se poser la question quand même de plus en plus au 19e siècle de la preuve de l'efficacité de cette pratique. Et ça, vous l'expliquez très bien dans votre livre, avec notamment l'avènement aussi d'une discipline nouvelle, l'hydrologie médicale. Voilà. Alors, effectivement, on était dans des pratiques qui étaient ancestrales, qui, évidemment, se confrontaient au scepticisme qui, de plus en plus, était en œuvre dans la médecine. Et donc, il fallait essayer de démontrer la réelle efficacité des os. Il s'agit bien des os. Et donc, il a fallu étudier chimiquement, déjà, ces os. Et au-delà de leur aspect ferrugineux, sulfureux, etc., de préciser la composition. Et donc, il y a eu les chimistes, en particulier, se sont penchés énormément sur ça. Et puis, on a mis en œuvre, dans chaque établissement, des choses qui ne s'apparentent bien évidemment pas à ce qu'on appelle les essais cliniques de nos jours, mais une tentative comme ça de compiler les cas cliniques pour en sortir un certain nombre d'indications principales, mais qui étaient beaucoup trop nombreuses encore à cette époque-là, et qui étaient parfois également, il faut quand même le dire, un peu farfelues quand on lit certains textes de médecins thermaux de l'époque. Cécile Rénal. En fait, je pense que ça s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'à l'origine, les eaux minérales étaient un peu bonnes pour tout, et c'est d'ailleurs ce qui les a un petit peu arrêtées aussi dans leur progression, c'est-à-dire qu'elles guérissaient un peu tout. Voilà, déjà, elles guérissaient, premièrement, c'était peut-être pas forcément le bon mot. Elles soulageaient, soulager. C'est ça. Et deuxièmement, un peu tout, elles étaient bonnes pour tout. Donc ça, c'était un peu gênant. Alors, il a fallu frôler le charlatanisme. Il a fallu trouver certaines spécificités à chacune d'entre elles. Et pour ça, je crois que la guerre franco-prussienne de 70 a été quand même quelque chose d'un événement déclencheur. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en Prusse, en Autriche, ils avaient également beaucoup d'eau, ils ont toujours d'ailleurs, beaucoup d'eau minérale. Et ils leur attribuaient à chaque terme des spécificités et des indications particulières. Et la France a voulu un peu s'inspirer de cette pratique. Et à partir de la fin du 19e siècle, on voit qu'on attribue à des stations françaises, justement, pour contrer les stations étrangères, des indications plus précises. Donc vous allez avoir, mais ce qui n'est pas faux en pratique en plus, c'est-à-dire que vous allez avoir des stations soufrées qui vont être davantage indiquées dans les troubles de la sphère ORL, par exemple, ou alors pour les problèmes de dermatose. Donc les indications se mettent en place très, très lentement, et c'est pas seulement lié à la chimie. Bien sûr, la chimie aide à découvrir ces éléments minéraux, mais pas uniquement. Alors, à quel moment est-ce qu'on commence quand même à parler de thermalisme social ? Parce que là, on sent la progression, donc bon, les élites, les études où on cherche à comprendre un peu comment ces eaux fonctionnent, leur composition, etc., et leurs vertus, et le thermalisme social. Alors, le thermalisme social, il est corrélé à la naissance de la sécurité sociale. Je dirais un peu avant les assurances sociales également. Oui, 1830, les assurances sociales, et après la Seconde Guerre mondiale, la création de la sécurité sociale. Voilà. Mais quand même, ce qu'il faut préciser, c'est ce qu'on essaye de préciser dans le livre, c'est que ces pratiques préexistaient. Mais bon, c'était un peu excessif, puisque c'était les indigents qui étaient concernés par le thermalisme, donc des gens qui n'avaient absolument pas les moyens et qui pouvaient bénéficier de soins thermaux, qui étaient pris en charge par la collectivité, en particulier la ville d'accueil, et ce qui a mis en place également dans un certain nombre de villes thermales, des établissements de différentes catégories. Hein, par exemple, Vichy avait des établissements de première catégorie, qui étaient très très beaux, somptueux, dans lesquels les plus riches allaient se baigner. De deuxième catégorie, qui étaient, qui pouvaient être des gens du voisinage, qui avaient les moyens, ou des gens qui avaient moins de sous avec eux. Et puis, la troisième catégorie, dont une partie était réservée, justement, à ces indigents. Donc, il y a toujours eu cette préoccupation, et les rois successifs, et même l'empereur, les empereurs, se sont préoccupés de cette population, mais qui, évidemment, ne pouvait pas se déplacer sur des centaines de kilomètres aussi facilement que les nantis. Et puis, donc, vont arriver successivement les assurances sociales, donc avant la Seconde Guerre mondiale, et la sécurité sociale, donc, à partir de 45-46. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des négociations hein, pour toutes les disciplines à cette époque, et des négociations sévères au niveau du thermalisme, qui vont aboutir progressivement, 46, 48, 50, vers une prise en charge, ce qui est le cas, du thermalisme, et qui va entraîner une explosion de la fréquentation. Parce que la fréquentation, même si on en a une image un peu féerique au 19e siècle, était relativement limitée. Les riches, il y en avait, mais ils sont par définition peu nombreux. C'est toujours le cas actuellement. Et donc, on va avoir un triplement, voire cinq fois plus dans certaines stations de population, ce qui va ensuite entraîner des problèmes de réorganisation de ces espaces. Oui, j'en profite pour donner quelques précisions, puisque vous parlez des chiffres. En tout cas, on n'a pas parlé non plus des lieux. En France, 105 lieux répartis dans 89 stations. Et puis, par rapport à la fréquentation, moi j'ai relevé dans votre livre justement 115 000 curistes en 1938 et on passe à 640 000 en 1993. Donc c'est vrai que on n'est pas dans les mêmes chiffres. Avant d'aller plus loin et pour justement prendre la mesure de cette évolution nécessaire de ce thermalisme social, je propose d'écouter une autre archive du réseau Canopée. On part à la Bourboule et c'est le témoignage d'une maman dont le petit garçon de 8 ans avait des problèmes d'asthme. Mon mari appartient à une grande administration dont le service social possède à la Bourboule une maison d'enfants pour cure thermale. C'est là que se trouve mon petit garçon. Il a 8 ans. C'est la troisième année qu'il vient à la Bourboule pour soigner son asthme. Il va d'ailleurs beaucoup mieux. Depuis sa deuxième cure, l'an dernier, il n'a pas manqué la classe et n'a fait que 3 petites crises de quelques heures de tout son hiver. J'espère que cette troisième cure le débarrassera complètement. Oui, mais il ne s'ennuie pas trop loin de sa maman. La première fois qu'il est venu, je craignais en effet qu'il ne s'ennuie. Mais il a ses petits camarades. Les monitrices s'occupent d'eux toute la journée. Les jeux, les promenades sont variés. Et l'ambiance est joyeuse. J'aurais bien préféré faire comme d'autres mamans, plus riches que moi, et descendre à l'hôtel avec mon fils pour 3 semaines. Mais ma bourse ne me permettait pas une pareille dépense. Le cœur content, quand on va à Vitelle faire la cure tous les ans, on y verra le curiste élégant qui se croit très important. Au casino, il vous dit aussitôt lorsqu'il tombe un bon coup d'eau, c'est excellent, à Vitelle il le faut, ça remplit bien le tonneau. Et puis d'un air empreint d'une grande fierté, buvant à la soupe, c'est une grande année. Mais en deux gorgées, il avalera tout sans se rappeler qu'il faut boire un petit coup. Le cœur content, le matin il s'en va chez le docteur en courant. Puis tout de suite, sans plus d'explication, l'envoie au bain bouillonnant. Puis en maillot, il trottine aussitôt vers la nage sur le dos. Dans la piscine, où chacun à son tour vient boire encore un peu d'eau. Et pour être certain de le revigorer, on lui flanquera la douche érébentinée. Hey, hey, pour le repos. de tous ces à-coups. 14h et presque 34 minutes, on vient d'écouter Annie Flore, le curiste de Vittel, et c'est la suite de La Marche des Sciences sur France Culture. Presque les pieds dans l'eau, hein, mais dans ce cas-là, ce sont les eaux thermales, sujet de l'émission du jour aux sources du thermalisme et de la médecine thermale. Et nous sommes en compagnie de Thierry Lefebvre, maître de conférence à l'Université Paris Diderot et directeur de la revue d'histoire de la pharmacie, et Cécile Rénal, docteur en pharmacie, et donc tous les deux nous offrent ce livre intitulé « Du thermalisme à la médecine thermale » mal paru aux éditions Le Square. Alors on poursuit sur le thermalisme social avec une autre archive très éclairante. Tout d'abord, un extrait d'Interactualité du 12 mai 1970 avec le professeur Claude Laroche, rhumatologue à l'hôpital Cochin, interviewé par Yves Mourouzi, et suivi à 30 ans, plus de 30 ans d'écart, vous allez l'entendre, par l'extrait d'un documentaire d'Olivier Chomel, passé dans Appel d'air sur France Culture, le 8 février 2002. Vous savez que nous en sommes actuellement au siècle du thermalisme social, c'est-à-dire d'un thermalisme qui est vu avec une perspective d'éducation sociale, et le thermalisme doit être apporté à toutes les classes sociales. Alors, il était important de savoir si, lorsque les gens étaient allés en cure, d'une part, ils étaient nettement améliorés, et d'autre part, si ensuite, ils dépensaient moins. Alors, on peut vous dire que dans les maladies veineuses, dans des maladies rhumatismales, dans des maladies du tube digestif, on en arrive environ à 70% d'amélioration assez nette pendant un certain nombre de mois. Une enquête médico-administrative faite en 1968 a montré que, après leur cure thermale, pendant l'année qui suit leur cure, les deux tiers des assurés sociaux dépensent nettement moins d'argent en dépenses pharmaceutiques qu'avant leur cure. Et là, c'est un bénéfice net pour la sécurité sociale. C'est pas votre première cure, madame ? Non, sixième. Et ça a changé ? Ah oui, mon mari fait plus de piqûres, mon mari fait plus de médicaments pour les rhumatismes. Et vous faites la cure en couple ? Oui, monsieur et madame. Ouais. Ah oui, ah ouais. Oui, du nord. On vient du nord, 800 km. Ici, on va sortir en pleine forme. Hein. On pourra pêcher notre jardin. Dans 3 semaines. Ouais. Non, non. Pour raconter notre boulot. Mais c'est pas vraiment des vacances, une cure thermale. Ah non, c'est pas des vacances. Ah non. Quand c'est pas repos, ça fait mal. Hein. On boit de l'eau à la santé. Champagne du pauvre. Voilà, le champagne du pauvre. On doit boire. On boit ici, on boit en bas, gratuitement. Hein. Oui. Tout est gratuit. Bon. Alors Thierry Lefebvre, et oui, tout est gratuit, c'est cette gratuité, c'est ce côté remboursement, sécurité sociale et budget qui a pu solliciter ou susciter des débats un petit peu houleux et puis des remises en question, et toujours avec en ligne de fond cette question, quelle réelle efficacité ? Oui, alors ça c'est effectivement un débat qui dure depuis un certain nombre de décennies et qui s'est accentué depuis une époque récente avec la mise comme ça en avant de la médecine fondée sur les faits. Hein, c'est la formule qu'utilisent les médecins hospitalo-universitaires pour parfaire leurs recherches et pratiques. Alors, en pratique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on appelle médecine fondée sur les faits ? Ce sont effectivement des essais cliniques, mais qui se font pour que ça soit le plus rigoureux possible dans la méthode dite du double aveugle, c'est-à-dire que ni le prescripteur ni le patient ne sait ce qu'il reçoit à proprement parler. Alors, on comprend immédiatement la difficulté avec le thermalisme. J'imagine que n'importe quel patient se rend compte qu'il est dans un bain ou qu'il boit de l'eau dans une station thermale et donc on ne peut pas pratiquer d'une façon sérieuse le double aveugle. Donc rien que ce fait que les essais cliniques qui sont enclenchés depuis une dizaine, quinzaine d'années par la profession thermale peuvent être soupçonnés ou mis à l'index. Donc ça, c'est la première difficulté. Alors, en même temps, on sait que sur telle ou telle affection ou mot, les cures soulagent. Cécile Rénal. Par exemple, on peut donner des exemples, les rhumatismes. Les rhumatismes, c'est en effet avéré, alors par les curistes, hein, bien sûr, qui sont très satisfaits. Les médecins qui les suivent aussi, j'imagine. Oui, aussi. Bon, après, c'est toujours le combat de la médecine universitaire et de la médecine qui est sur le terrain. Donc ça, c'est deux choses vraiment différentes. Et donc les rhumatismes, vous avez aussi le psoriasis, hein, qui est bien soigné, les problèmes ORL aussi, alors qui sont améliorés, c'est-à-dire qu'il y a moins de rechutes dans tout ce qui est troubles asthmatiques, des allergies, les choses comme ça, donc les traitements à la bourboule en particulier pour les enfants. Vous avez aussi les séquelles de traitement de cancer. Donc il y a des études qui sont sorties, une en particulier de la station thermale d'Avesnes, donc dans les contreforts des Cévennes, qui va pas tarder à sortir. Des panneaux ont été montrés à un congrès de dermatologie, indiquant que la prise en charge thermale chez les personnes qui ont suivi un traitement pour le cancer aide notamment à avoir une meilleure image de soi, parce qu'il y a toute une éducation, une rééducation de la personne malade. Et aussi, ça soulage certains maux, certaines irritations, certaines agressions cutanées. Donc, ce thermalisme est en effet pourvu d'effets bien bénéfiques pour la santé. Thierry Lefebvre. Alors, on part aussi du principe que le thermalisme, avant, était censé guérir presque tout. Or, maintenant, c'est plus du tout le cas. Il ne s'agit plus de guérir, il s'agit d'aider à vivre mieux avec des pathologies qui sont des maladies chroniques. Et donc les patients qui se retrouvent en cure thermale sont des patients qui ont des maladies chroniques pour lesquelles, de toute façon, il n'y a pas de réponse définitive, ni par le médicament, ni par la plupart du temps, par des opérations chirurgicales ou ce que vous voulez. Et donc, c'est une alternative que l'on définit comme douce à d'autres approches qui sont beaucoup plus agressives. Ça, c'est un point important sur lequel il faut insister. Et le deuxième point qui est important, c'est que on se focalise beaucoup dans les études sur les os, mais en fait, la cure thermale, c'est un ensemble. C'est 3 semaines, hein, donc 18 jours en pratique de bain, de boisson, etc., qui permettent à des populations qui sont dans l'ensemble peu aisées de s'extraire d'un milieu dans lequel ils peuvent avoir des pratiques qui sont pas les plus convenables. On connaît bien cette situation, on a tous dans nos entourages des personnes de ce type, et qui vont se retrouver comme ça dans un lieu agréable, où ils vont pouvoir potentiellement découvrir des choses, parce que ce sont des lieux chargés d'histoire. On a eu la curiosité de suivre comme ça des promenades offertes par exemple par Aubonne, des promenades culturelles comme ça dans la ville d'Aubonne, qui a eu une grande époque, voilà. Et on a vu des personnes qu'on ne soupçonnerait pas comme ça, et qui non seulement marchaient sur des kilomètres alors que certaines traînaient un peu la jambe, et donc ça leur faisait du bien physiquement déjà, et qui se passionnaient comme ça pour ce qu'on leur montrait, les hôtels prestigieux qui sont malheureusement un peu décrépits maintenant dans cette région. Et donc c'est un ensemble, sans oublier le fait que pendant ces 3 semaines, eh bien, on peut faire de l'éducation à la santé concrètement. Alors que quand vous voyez un médecin, ben, vous le voyez un quart d'heure si tout se passe bien. Il va vous dire faites ci, faites ça. Et puis ensuite, pour avoir le prochain rendez-vous, ça prend un certain temps. Donc là, il y a un accompagnement qui est possible et qui devrait être accentué, hein, à notre avis. Ça, c'est évident. C'est un encadrement médical qui permet l'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est vraiment fondamental. Hein. Ce n'est pas uniquement l'eau, c'est aussi la prise en charge du patient pour son éducation, pour qu'il y ait une prolongation de ses connaissances et de ce qu'il a acquis pendant la cure chez lui ensuite, pour que ça perdure, que ça ne soit pas qu'il n'y ait pas de rechute ou, ou d'arrêt maladie, etc. Dans l'archive qu'on a entendu précédemment, hein, de 1970, le professeur Claude Laroche, donc rhumatologue à l'hôpital Cochin, disait à l'époque, il parlait d'une étude de 1968 qui montrait que effectivement il y avait intérêt pour la sécurité sociale, que ça coûtait moins cher en tout cas de proposer ces soins-là. Donc est-ce qu'on a ce genre d'études aujourd'hui ? Alors, on donne des chiffres hein, dans le livre. Donc, les chiffres de la profession, c'est 0,14% de dépenses de l'assurance maladie. C'est déjà pas énorme par rapport à d'autres pôles beaucoup plus importants. Nous, on a essayé de recalculer à partir de chiffres plus précis. On arrive à 0,19%, donc c'est à peu près la même chose. Donc les dépenses sont relativement, me semble-t-il, insignifiantes. Mais bon, on n'a pas fait de projection en se disant s'il n'y avait pas eu, par exemple, ces soins donnés, s'il y avait eu des rechutes, combien ça coûterait en réalité, ce qui était les propos du professeur Laroche voilà, alors, il y a plus de 40 ans. Oui, oui. Non, il y a eu des essais comme ça, mais alors là, on ne peut pas s'avancer trop parce que les essais peuvent provenir de la profession et donc peuvent être biaisés comme n'importe quel type d'études de ce type. On arrive au terme de cette première partie. Je sais qu'on peut discuter encore plus longuement, mais on reviendra sur votre livre. On écoute juste un dernier document de cette émission Appel d'air, donc documentaire d'Olivier Chomel, diffusé sur France Culture, je le rappelle, le 8 février 2002. Voilà, monsieur, votre soin s'est bien déroulé. C'est déjà fini. C'est déjà fini, les 14 minutes sont terminées. Vous avez bien eu chaud. Oui, il y a même une suée qui est montée. C'est ce qu'il faut, c'est la chaleur qui fait le bien. Donc, si vous avez bien eu chaud, c'est le principal. Voilà. Eh ben voilà, donc nous aussi, hein, c'est déjà fini. Enfin, pour la première partie, en tout cas, vous n'avez pas eu trop chaud. Non, c'était bon. Parfait. Merci à tous les deux, hein, Thierry Lefebvre, Cécile Rénal. Je rappelle le titre de votre livre, Du thermalisme à la médecine thermale, paru aux éditions Le Square. Et puis, je remercie encore Laurent Garraud du réseau Canopée, en vous signalant que le site de Canopée, vous pouvez le retrouver sur le site de la Marche des Sciences. Mais vous restez avec nous, on poursuit sur le thème de la famille et de son évolution. Et donc, bah, c'est aussi pour vous. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire avec aujourd'hui notre partenariat Science et Vie. Et je suis ravie d'accueillir dans le studio, toujours en direct, Cécile Bonneau, rédactrice en chef des hors-séries de Science et Vie, avec de belles offres, hein, on en a l'habitude. Et la dernière, tout juste sortie en kiosque, concerne tout le monde, je le disais, les nouvelles lois de la famille. Un siècle de métamorphose de la famille avec des débats politiques, économiques, sociétaux et religieux à la clé, bien sûr. Bonjour Cécile Bonneau. Bonjour. Alors, ce numéro, moi je l'ai trouvé extrêmement fort et fascinant parce que vous partez quand même de cet après-Première Guerre mondiale pour arriver jusqu'à aujourd'hui, encore en vous projetant même dans des scénarios pour demain. Et donc, si l'on résume un petit peu, partons de cette situation en 1915, on aura vite compris d'ailleurs l'ampleur de la transformation. Ah oui, c'est sûr, en 1915, la famille ressemble peu à la famille actuelle. Tout le monde se mariait, c'était pas le mariage pour tous, mais c'était quand même le mariage pour tout le monde. Personne ne divorçait. La natalité était très, très élevée. Hein. On avait 20 enfants pour 1000 habitants contre 12 à peu près aujourd'hui, en France du moins. La mortalité infantile était énorme. On avait 130 décès avant un an pour 1000 bébés. Donc ça fait 13% de mortalité infantile contre 3,5 pour 1000 aujourd'hui. Et puis surtout, bah, l'adoption était impossible. Elle a été rendue légale qu'en 1923. Les congés payés n'existaient pas. C'est 1936. Il n'y avait pas de politique familiale. La première a été ébauchée en 1939. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, évidemment. Oui, donc pas toute l'indépendance et tous les moyens justement de gérer ce qui les concernait et au premier chef, et notamment c'est la procréation, la famille. Voilà, la conception n'existait pas. La contraception, par contre, n'existait pas puisqu'elle a été légalisée en 1967. Il n'y avait pas d'union libre. Ça a vraiment commencé à s'installer à partir de 1972. Et puis, bien sûr, après, on a aussi vu apparaître le droit à l'avortement en 1975, l'assistance médicale à la procréation, avec le premier bébé éprouvette en France en 1982, les congés paternité, plus récemment en 2002, et enfin le mariage homosexuel en 2013. Donc effectivement, la famille s'est considérablement changée en un siècle. Et bien sûr, avec la science qui a joué un rôle majeur avec toutes ces avancées, donc des avancées majeures, et en même temps, on sent dans le numéro, chapitre après chapitre, que sur certains points, comme par exemple la contraception, on en parlait, on se rend compte qu'il y a depuis 1967 une sorte de stabilité. Enfin, stabilité. Il y a eu la pilule de première génération, deuxième. Voilà, exactement. Et c'est là où on se dit, tiens, il y a une stabilité. Et par exemple, la contraception masculine n'est pas vraiment une révolution encore. Non, toujours pas. Donc en fait, oui, la révolution de la contraception, c'était 1967. Ça a été un succès énorme. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein, 74% des couples français utilisent un moyen moderne de contraception. Mais depuis 50 ans, on dispose toujours des mêmes outils, toujours et encore des mêmes outils, c'est-à-dire soit empêcher l'ovulation avec des hormones, soit interdire l'implantation de l'œuf avec un stérilet ou une pilule du lendemain, soit empêcher la rencontre des gamètes avec des préservatifs ou la stérilisation. Donc c'est quand même des moyens qui ont très peu évolué et effectivement, on parle beaucoup de l'avènement de la contraception masculine, on l'attend toujours beaucoup. Alors, il y a un petit espoir qui pourrait venir de la baisse de la fertilité masculine qui force les chercheurs à beaucoup travailler sur comment réparer la fertilité masculine et peut-être qu'en sachant comment réparer la fertilité masculine, on saurait aussi comment empêcher cette fertilité. Donc, ponctuellement. Peut-être que ça viendra, mais enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend. Oui, et puis il y a d'autres débats aussi qui sont présentés dans le numéro dans le hors-série de Science et Vie, c'est par rapport à la contraception, c'est aussi le fait que avec la contraception féminine, les femmes maîtrisent aussi. Donc bon, il y a aussi des barrières ou des débats un petit peu idéologiques. Aujourd'hui, donc maîtrise de la conception, tendance du coup à procréer aussi de plus en plus tard, avec l'évolution aussi du statut de la femme, le travail, les études, et donc évolution des données en matière de natalité qui pose problème certainement aux analystes. Bah, c'est un peu le casse-tête, parce qu'effectivement la fécondité a énormément baissé depuis les années 60, dans les pays développés du moins, on est passé en moyenne de 2,8 à 1,7 enfants par femme pendant ces 50 ans, mais avec des énormes disparités nationales qu'il est très difficile d'analyser. Si on est en moyenne à 1,55 enfants par femme en 2013 dans l'Union européenne, on voit qu'en France on est à 1,98, donc beaucoup plus. C'est aussi le cas en Suède, au Royaume-Uni et en Norvège. Et par contre, en Grèce, en Espagne, en Portugal, on est en dessous de 1,3. En Allemagne, on est à 1,4. Oui. Et c'est vraiment très difficile d'analyser ça. Puis c'est d'autant plus bizarre que quand on interroge les gens sur leur désir d'enfant, sur leur taille de famille idéale, là, il y a une grande convergence. Autant il y avait des disparités très importantes dans les années 80. Il y avait des pays qui avaient un idéal de 4 enfants, d'autres de 2. Et maintenant, on converge vraiment vers un idéal de 2 enfants. Les disparités sont très faibles. Et donc, bizarrement, cet idéal est à peu près le même pour tous et la réalité n'est pas la même. Et les démographes, c'est important en plus pour les démographes de savoir prévoir vers quoi on va pour des raisons économiques. Et on a beaucoup de mal à le faire. Alors, on analyse ça, sûrement la politique familiale joue un peu, mais des fois elle marche à contresens, c'est-à-dire que des politiques familiales qui ont l'air très motivantes. Oui, il y a des contre-exemples, effectivement. Produisent l'effet inverse. Et on a l'impression que c'est surtout la conjugaison de la possibilité pour les femmes de travailler et de faire garder leurs enfants qui semble être un facteur important et qui expliquerait pourquoi en France ça marche beaucoup mieux qu'en Allemagne, par exemple. Et alors, on ne sait pas trop vers quoi on va et c'est vraiment un casse-tête intéressant. Et oui, donc dans cette aussi tendance à procréer de plus en plus tard, on se rend compte qu'il y a parfois plus de problèmes aussi pour engager donc cette procréation et avoir un enfant et donc un plus grand recours à l'assistance à la procréation. Oui, bien sûr. Donc la fécondité baisse avec l'âge. Or, l'âge des femmes au premier accouchement a tendance à beaucoup monter. Et du coup, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 3% des bébés français, c'est-à-dire 25 000 bébés français par an, qui sont conçus avec une manipulation des gamètes. C'est quand même énorme, 3% des bébés. Si on ajoute à ça les stimulations ovariennes, c'est le double. C'est 6% des bébés qui se fabriquent avec l'aide des scientifiques. Alors voilà, il y a 40 ans seulement, on avait quelques inséminations artificielles, c'est tout ce qu'il y avait. En 1978, il y a eu le premier bébé éprouvette en Grande-Bretagne. Et voilà, et en France, même encore aujourd'hui, c'est 10% de plus chaque année de personnes qui font des tentatives de fécondation in vitro. Donc voilà, ça pose effectivement des problèmes. Enfin, on voit l'âge. On se demande pourquoi. On voit que, effectivement, on observe des baisses de fécondité, par exemple la qualité des spermatozoïdes, on sait qu'elle se dégrade, mais a priori ce serait pas vers là qu'il faut chercher, c'est plutôt évidemment l'augmentation de l'âge des femmes. Elles faisaient un premier enfant à 24 ans en 1980, on est à 28 ans aujourd'hui. Oui. Pour les Parisiennes, on est même à 31 ans pour le premier enfant. Donc leur âge augmente, avec ça leur fertilité diminue, donc elles ont besoin d'avoir ce recours à l'aide. Oui. La consommation de tabac quand même plus importante, l'obésité, les perturbateurs endocriniens qui sont quand même pointés du doigt. Peut-être. peut-être. Là, les études doivent être encore affinées. Affinées, mais est-ce que ça irait jusqu'à baisser la fécondité d'ores et déjà? Peut-être pas. Mais il y a aussi l'impatience des couples qui augmente beaucoup et cette disponibilité d'une aide médicale qui rend les couples assez impatients. Donc c'est vrai qu'au bout de 5-6 mois, si on n'arrive pas à faire un bébé, maintenant on a tendance à se tourner vers la médecine, ce qu'on n'aurait pas fait avant. Et puis c'est normal en plus d'attendre jusqu'à un an pour tomber enceinte. Donc on est de plus en plus impatient. Et donc on n'a pas encore beaucoup de recul parce que les premiers bébés éprouvettes ont 40 ans. Mais on se pose des questions sur la santé de ces bébés éprouvettes sur laquelle on a très peu de recul. Et du coup, voilà, on a enquêté un peu là-dessus et il y aurait quand même des questions médicales à se poser. Des dangers potentiels, en tout cas. On se rend compte qu'il y a, pour les enfants nés par fécondation in vitro, plus de dysfonctionnement cardiovasculaire, plus de malformations. On essaie de voir, c'est ce qu'on retrouve dans ces articles, mais d'une richesse formidable, des problèmes peut-être de la composition des milieux de culture aussi. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, on a ce recul qui nous permet peut-être de dire que on donne la possibilité à des femmes d'avoir des enfants, mais quelles sont les conséquences et à quel prix? Voilà. Or, il ne faut pas non plus être alarmiste, non, parce que quand même, la plupart des bébés éprouvettes se portent très bien. Et puis voilà, il ne faut pas être alarmiste. Oui. Mais enfin, ce qu'on dénonce un petit peu, c'est quand même ce manque de recul et d'études pour vraiment être sûr de ce qu'on est en train de faire et qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers à grande échelle. Et puis alors, dernier élément, il y en aurait beaucoup d'autres, mais enfin, j'ai envie de pointer du doigt avec vous, Cécile Bonneau, c'est l'épigénétique qui réhabilite Jean-Baptiste Lamarck. Oui, alors ça c'est une autre manière de prendre le numéro, c'est-à-dire que la science a beaucoup changé la famille, mais la science a aussi changé de regard sur la famille et notamment sur l'hérédité. Et ça c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, les scientifiques sont en train de complètement revoir cette notion d'hérédité en se rendant compte que l'hérédité des caractères acquis, comme l'avait Lamarck en avait fait l'hypothèse en 1809 et qu'on avait complètement écarté avec Darwin en 1859, elle est en train de revenir un peu sur le devant de la scène. On se rend compte qu'effectivement, certains caractères, par exemple, quand une femme enceinte a subi une famine, on se rend compte que même sur ses petits-enfants, il y a le souvenir de ces effets-là, voilà, et que les caractères acquis peuvent aussi se transmettre sur plusieurs générations. Merci beaucoup Cécile Bonneau. On renvoie bien évidemment sur le hors-série. Vous êtes rédactrice en chef des hors-séries de Science et Vie. Et le dernier paru, c'est les nouvelles lois de la famille. Et les informations et les liens sont à retrouver bien sûr sur le site de l'émission franceculture.fr. Une émission à réécouter, pourquoi pas, pendant 1000 jours ou la télécharger pendant un an. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet et Anaïs Morales pour les archives. Et également Romain Couturier de la discothèque de Radio France. À la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Clément Daté. Et à vous signaler, la semaine prochaine, nous nous mettrons au diapason de la semaine spéciale climat. Comment vivra-t-on le jour d'après? Un thème qui va rassembler de nombreuses émissions sur nos antennes. Eh bien, nous allons nous intéresser aux actions des hommes pour s'adapter au changement climatique en compagnie de Amy Dahan et Emmanuel Garnier.